Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Deuxième partie, section 2, du mouvement de la créature raisonnable vers Dieu. Deuxième section, des actes humains en particulier. Explication. On traitera des vertus qui regardent tous les hommes et des choses qui concernent certains états de perfection. Prologue. Après avoir parlé en général des vertus, des vices et de tout ce qui regarde la morale, nous allons considérer ces divers sujets en particulier. Pour ne pas nous exposer à des redites, nous envisagerons successivement dans chaque traité une vertu, le don surnaturel qui lui correspond, les vices qui lui sont opposés et les préceptes qui la concernent. Nous réduisons l'étude entière de la morale à l'examen de cette vertu, qui sont les trois vertus théologales et les quatre vertus morales, appelées cardinales. Quant aux vertus intellectuelles, l'une, la prudence, prend rang parmi les vertus cardinales, les autres, telles que la sagesse, l'intelligence et la science, portant le même nom que certains dons du Saint-Esprit. Nous en parlerons à l'occasion des dons qui correspondent aux sept vertus principales. Il n'y a pas de vertu morale qui ne rentre de quelque manière dans les quatre vertus cardinales, qui contiennent les obligations communes à toutes les conditions de la société. Nous traiterons, en dernier lieu, des obligations propres à certains états de perfection. Occupons-nous d'abord de la foi, confère saint Thomas. De la foi. Explication. La foi doit être envisagée dans sa nature, dans les dons qui lui correspondent, dans les vices qui lui sont opposés, et dans ses préceptes. Pour en faire connaître la nature, nous la considérerons dans son objet, dans son acte, et dans son habitude même. Nous traiterons ensuite des dons d'intelligence et de science qui lui correspondent. Nous passerons aux vices contraires, qui sont l'infidélité, et le blasphème, à quoi il faut joindre les vices opposés aux dons. Enfin, nous terminerons par l'examen des préceptes relatifs à la foi. Deuxième partie, deuxième section, question 1, de l'objet de la foi. En quoi consiste l'objet de la foi? Cet objet peut-il s'énoncer par des propositions, et notamment par des articles? Ces articles ont-ils toujours été en même nombre? Articles du symbole, autorité du pape en matière de foi. 1. La foi a-t-elle pour objet la vérité suprême? La foi, répondait saint Denis, a pour objet la vérité simple et toujours vivante. L'objet de toute habitude intellectuelle comprend deux choses, l'objet matériel que l'on connaît, et la raison formelle qui le fait connaître. La science de la géométrie, par exemple, a pour objet matériel les conclusions, et pour objet formel les moyens de démonstration. Il en est de même pour la foi, telle que nous l'envisageons. Ne donnant son assentiment à une vérité que tant que Dieu l'a révélée, elle a pour objet formel la vérité suprême, son moyen de démonstration, et pour objet matériel, non seulement cette vérité première, qui est Dieu même, mais encore beaucoup d'autres vérités. Mais comme, de toutes les vérités particulières, elle n'embrasse que celles qui, en nous faisant connaître certaines œuvres de la divinité, concernent Dieu et notre béatitude en Dieu, même sous ce rapport, la vérité suprême est encore son objet. Ainsi la médecine a pour objet la santé, à laquelle se rapportent toutes les recherches du médecin. Note. Les vérités qui concernent l'humanité du Christ, les sacrements, ou certaines créatures, tombent sous la foi pour deux motifs, premièrement, parce qu'elles nous mènent à Dieu, secondement, Parce que nous les croyons à cause de Dieu, qui les a révélés. Il en faut dire autant de toutes celles que contient la Sainte Écriture. Fin de la note. 2. L'objet de la foi est-il complexe à la manière d'une proposition? L'objet de la foi est simple en lui-même, mais notre intelligence est ainsi faite que ce qui est simple de soi ne lui arrive que dans une condition de complexité. Il en résulte que l'objet de la foi est, par rapport au croyant, quelque chose de complexe, que l'on peut énoncer par des propositions. Note. Au ciel, la foi consistera dans un acte pur et simple de notre intelligence. Sur la terre, nous ne percevons pas en elle-même la vérité première. Fin de la note. 3. La foi peut-elle être fausse dans son objet ? Rien n'entrant dans le domaine de la foi que par la première et infaillible vérité, la foi ne comporte aucune fausseté, et là, au contraire, pour effet de perfectionner notre intelligence. Note. Ce sujet a donné lieu à plusieurs objections, dont voici la solution, à considérer les choses en elles-mêmes et en dehors de la prescience divine. Dieu pouvait ne pas s'incarner, même après le temps d'Abraham, mais, posé le fait de la prescience divine, l'incarnation était une chose nécessaire et infaillible, or c'était en ce sens qu'elle était crue par Abraham, dont notre Seigneur disait, « Abraham, votre père, a désiré de voir mon jour, il l'a vu et il a été comblé de joie. » Jean 8, 56. Par conséquent, l'incarnation, en tant qu'objet de la foi, n'a jamais pu être une chose fausse. Sous la loi nouvelle, la foi des fidèles consiste à croire que le corps de Jésus-Christ, lorsque le pain a été validement consacré, est réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Elle ne se rapporte pas à telle ou telle espèce de pain. Si, par défaut de validité dans la consécration, le corps de Jésus-Christ n'est pas présent, la foi n'en est pas moins vraie en elle-même. Fin de la note. 4. L'objet de la foi est-il une chose vue? La foi est, selon saint Paul, l'argument de ce qui ne se voit pas. Hébreux 11, 1. La foi est un assentiment de notre intelligence à la vérité que nous croyons. Or, dans l'assentiment que nous donnons à une vérité, notre intelligence peut se trouver dans deux conditions, tantôt elle est subjuguée et nécessairement entraînée par un objet. C'est ce qui a lieu dans la perception des premiers principes et de leurs conséquences prochaines, qui sont du domaine de la science. Tantôt elle procède par une sorte de choix, en se portant volontairement d'un côté plutôt que d'un autre. L'objet qu'elle considère ne suffisant pas par lui-même à la déterminer. Dans ce dernier cas, quand le choix volontaire qu'elle fait n'exclut pas entièrement le doute et la crainte de se tromper, il y a simplement une opinion, mais, lorsque son élection s'accomplit avec certitude et sans hésitation, c'est la foi. Il résulte de ces notions que l'objet de la foi, comme celui de l'opinion, n'est pas quelque chose que l'on voit, car les choses que nous voyons frappent de soi les yeux de notre esprit ou de notre corps, et nécessitent par elles-mêmes notre assentiment. Note. Que le Seigneur ait dit à saint Thomas, « Vous avez cru, Thomas, parce que vous avez vu, Jean 20, 29, ces paroles ne prouvent nullement que la vision et la foi ont le même objet. Thomas vit une chose, et il en crut une autre, il vit un homme, et, croyant à sa divinité, il confessa sa foi en disant, « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu. » Les vérités de la foi ne sont pas vues en elles-mêmes, notre esprit ne les voit que d'une manière générale, comme méritant d'être cru, soit à cause des miracles, soit pour d'autres motifs qui en établissent la certitude. On ne les croirait pas, si on ne voyait pas qu'elles doivent être crues. Fin de la note. 5. Les vérités de la foi peuvent-elles être l'objet de la science? La science s'obtient à l'aide de principes que l'on voit d'une certaine manière. Puisqu'il est impossible que la même chose tombe sous la vue et sous la foi d'un même homme, il est pareillement qu'elle soit en même temps pour lui un objet de science et de foi, car on voit de quelque façon ce que l'on sait. Sans doute quelqu'un peut croire ce que d'autres savent ou voient. Nous espérons nous-mêmes voir un jour ce que nous croyons de la Trinité. Nous voyons Dieu dans un miroir et en énigme, disait saint Paul, mais, au ciel, nous le verrons face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Les anges voient actuellement ce que nous croyons. Que, même ici-bas, ce qui est à l'état de science ou de vision chez quelques individus soit pour d'autres un objet de foi, nous n'avons garde de le contester. Mais il est sûr que les vérités généralement proposées à la foi de tous les hommes ne sont point du domaine ordinaire de la science. La science et la foi ont des objets différents. Note. Les raisonnements des saints pères pour prouver par la raison les vérités de foi sont des inductions destinées à montrer que de telles vérités sont possibles. Ils ne sont de vraies démonstrations que quand, appuyés sur les principes mêmes de la foi et sur l'autorité des livres saints, ils s'adressent aux fidèles, car on s'appuie sur les principes de la foi pour prouver aux chrétiens une vérité de foi, comme on s'appuie sur les principes naturels pour prouver à tout le monde quelque autre vérité, et voilà pourquoi la théologie est une science. Si l'on range parmi les articles de foi certaines vérités que la raison naturelle peut démontrer, ce n'est pas qu'elles soient des vérités purement et simplement de foi chez tout le monde, c'est parce qu'elles sont un préliminaire indispensable à la foi, et qu'il faut que les hommes qui n'en ont pas la démonstration rationnelle les admettent du moins par le moyen de la foi. Fin de la note. 6. Les vérités de la foi doivent-elles être divisées par articles? Un article, selon saint Isidore, est une perception de la vérité divine, perception qui nous élève vers cette vérité même. Ce qui est un en Dieu étant multiple dans notre esprit, nous ne concevons la vérité divine que d'après certaines distinctions. La faiblesse de notre intelligence nous force à diviser par article les vérités de la foi. Le mot article, dérivé du grec, signifie, comme le mot articulation, une liaison existant entre des parties distinctes. Nous l'employons dans les matières de foi, pour indiquer que les dogmes que nous énonçons, malgré leur division en parties distinctes, sont liés les uns aux autres. La foi ayant pour objet les vérités divines que nous ne voyons pas, un article particulier doit être consacré à celles qui ne se voient pas à cause d'une difficulté spéciale, au lieu que ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas pour une même raison ne doit pas constituer plusieurs articles. La passion et la résurrection du Sauveur, par exemple, forme deux articles distincts, parce que la difficulté que nous avons à comprendre que Dieu a souffert est autre que celle qui nous empêche de voir comment il a pu revenir d'entre les morts. Mais que le divin Sauveur ait souffert, qu'il soit mort, qu'il ait été enseveli, voilà trois faits qui ne présentent qu'une même difficulté. L'un étant admis, il est facile d'admettre les deux autres. Il suffit d'un seul article pour les exprimer. Note. On a objecté que nous sommes obligés de croire toutes les vérités renfermées dans l'Écriture sainte, et que ces vérités, à raison de leur multitude, ne pouvant être réduites à un nombre déterminé, il est superflu de vouloir les diviser par article. On répond que, parmi ces vérités, les unes sont de foi par elles-mêmes, et les autres par rapport à celle-là. La foi ayant principalement pour objet les choses que nous espérons voir dans notre véritable patrie, comme le marque cette parole de l'apôtre, la foi est le fondement des choses que nous devons espérer, Hébreux 2, 1. Les vérités qui nous mettent en rapport direct avec la vie éternelle sont seules de foi par elles-mêmes, telles sont le mystère d'un Dieu en trois personnes, celui de l'incarnation et autres semblables, et voilà l'objet des articles de foi. Les autres choses que l'Écriture nous propose doivent être crues, mais elles ne sont pas de foi par elles-mêmes, comme elles ne sont là que pour attester la puissance de Dieu ou pour manifester l'incarnation du Christ, on ne doit pas les distinguer par article. Fin de la note. 7. Les articles de foi se sont-ils accrus avec le temps? La science des patriarches, dit Saint Grégoire, s'est accrue par la succession des temps, ceux qui ont été plus près de la venue du Rédempteur ont mieux connu les mystères du salut. On peut comparer les articles de foi aux premiers principes naturels, qui ont entre eux une telle connexité que plusieurs sont implicitement contenus dans les autres. Tous les articles de foi sont renfermés implicitement dans quelques vérités premières qui sont tout d'abord l'objet de notre croyance, à savoir dans la foi à l'existence de Dieu et à la providence divine par rapport au salut des hommes. Selon ces paroles de l'apôtre, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. C'est pourquoi la foi n'a reçu, quant à sa substance, aucun accroissement dans la marche des siècles. Les dogmes enseignés aux derniers âges étaient implicitement compris dans la foi des générations précédentes. Cependant, le nombre des articles destinés à l'explication de ces vérités a augmenté, car les générations postérieures ont connu explicitement des choses que les générations précédentes ne connaissaient pas de la même manière. De là ces paroles que le Seigneur adressait un jour à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mon nom est Adonai, mais je ne le leur ai point fait connaître. » Exode 6:2 et 16 autres de David. J'ai mieux compris que les anciens, psaume 118, 100, et 16 autres encore de l'apôtre. Les autres générations n'ont point connu le mystère du Christ tel qu'il a été révélé de nos jours aux saints apôtres et aux prophètes. Éphésiens 3, 5. Note. Quoique, un maître ait la connaissance parfaite de son art, il ne la communique pas à son élève dès le premier jour, il se conforme à la capacité de son disciple, qui l'instruit graduellement. C'est de cette manière que les hommes ont progressé avec le temps dans la connaissance de la foi. Aussi l'apôtre compare-t-il l'état du genre humain sous l'Ancien Testament à l'enfance d'un homme. Le Christ a opéré la parfaite consommation de la grâce, et voilà pourquoi le temps de sa venue est appelé le temps de la plénitude. Fin de la note. 8. Les articles de foi sont-ils convenablement énumérés? La foi n'embrassant, comme son objet propre, ainsi qu'il a été dit, que les choses dont nous aurons la vision dans la vie éternelle et celles qui nous y conduisent, ces dogmes se rapportent les uns à la majesté divine, les autres au mystère de l'humanité du Christ. Selon cette parole du Seigneur lui-même, la vie éternelle consiste à vous connaître, vous, le vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Touchant la majesté divine, trois vérités sont proposées à notre foi. D'abord l'unité de Dieu, et c'est le premier article. En second lieu, la trinité des personnes, exprimée dans trois articles consacrés séparément aux personnes divines. Enfin, les œuvres propres de la divinité, la création, la sanctification du genre humain par la grâce, comprise dans un seul article, et la glorification, exprimée aussi dans un seul article où il s'agit de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Il y a conséquemment cet article se rapportant à la divinité. Touchant l'humanité du Christ, il y a également cet article. Le premier est relatif à son incarnation ou à sa conception, le second, à sa naissance, le troisième, à sa passion, à sa mort et à sa sépulture, le quatrième, à sa descente aux enfers, le cinquième, à sa résurrection, le sixième, à son ascension, le septième, à son dernier avènement. Plusieurs théologiens ne distinguent cependant que 12 articles dans le symbole, 6 pour la divinité, 6 pour l'humanité du Christ. Ils ne considèrent que comme un seul les 3 articles sur la Trinité, et ils font 2 articles distincts de la glorification, l'un pour la résurrection de la chair, l'autre pour la vie éternelle. Ils ne font aussi qu'un seul article de la conception et de la nativité du Sauveur. Note. Cette dernière division est adoptée dans nos catéchismes. Fin de la note. 9. Convenait-il de rédiger dans un symbole les articles de la foi? Le symbole est l'œuvre de l'Église, qui, toujours assistée du Saint-Esprit, ne saurait errer. Donc il était convenable de le dresser pour règle de foi, donc encore il ne contient rien que de convenable. Ainsi que le proclame l'apôtre, pour arriver à Dieu, il faut croire. Hébreux 11, 6. Personne ne pouvant croire à moins qu'on ne lui propose quelque chose pour objet de sa foi, il a été nécessaire de réunir en un seul corps les dogmes de la vraie foi, pour qu'ils puissent plus facilement être proposés à la croyance de tous les hommes, et que l'ignorance ne fût point une cause d'infidélité. C'est précisément à cet ensemble des vérités de la foi que l'on a donné le nom de symbole. Il convenait évidemment de le rédiger. Note. La Sainte Écriture, dira quelqu'un, n'est-elle pas la règle de la foi? Que peut-on y ajouter ou en retrancher? Nous répondons que les vérités de la foi contenues dans l'Écriture sainte y sont éparses çà et là, exprimées sous des formes diverses, quelquefois même obscures, et que, pour les en extraire, il faut non seulement une longue étude, mais une expérience à laquelle ne sauraient parvenir tous ceux qui doivent les connaître, la plupart d'entre eux ne pouvant pas même étudier, à raison de leurs travaux d'un autre genre. On conçoit dès lors qu'il était indispensable de résumer ces vérités dans un sommaire clair qui pût être proposé à la foi des fidèles. Le symbole, ainsi compris, est un extrait de la Sainte Écriture, et non pas une addition. Voyez la note de l'article, question 11. Tous les symboles enseignent la même foi, mais, aux époques d'hérésie, le peuple doit être instruit avec plus de soin de certaines vérités attaquées par l'erreur. De là plusieurs symboles qui ne diffèrent qu'en ceci, que l'un explique d'une manière plus complète ce que l'autre renferme implicitement. Un symbole qui vient après un autre n'abolit rien de ce qui est contenu dans le premier. Voilà pourquoi les pères du Concile de Nicée n'ont point parlé de la descente du Sauveur aux enfers. Cette vérité n'ayant été de la part des hérétiques l'objet d'aucune erreur, il suffisait qu'elle fût consignée dans le symbole des apôtres. Le symbole de Nicée, développement du symbole des apôtres, fut composé à une époque où la foi était manifestée au monde et où l'Église jouissait de la paix, de là vient l'usage de le chanter publiquement à la messe, au lieu que le symbole des apôtres, qui fut composé dans le temps de la persécution et lorsque la foi n'était pas encore publiée, se dit en particulier, imprimé accompli, comme destiné à nous préserver des erreurs ténébreuses du passé et de l'avenir. Fin de la note. 10. Appartient-il au souverain pontife de dresser un symbole? La promulgation d'un nouveau symbole a eu lieu dans un concile général, le concile de Nicée. Mais comme, d'après le droit canonique, le souverain pontife a seul le droit d'assembler un tel concile, la publication d'un nouveau symbole est subordonnée à son autorité. On a pu conclure de l'article précédent qu'il est nécessaire de publier une nouvelle profession de foi quand il s'agit d'éviter de nouvelles erreurs. Or, à quelle autorité peut revenir cette publication, si ce n'est à celle qui a le droit de déterminer finalement les vérités que les fidèles doivent croire d'une foi inébranlable? Telle est l'autorité du souverain pontife, à laquelle, ainsi qu'il est écrit dans le droit, sans référer les questions les plus graves et les plus difficiles qui s'élèvent dans l'Église. Aussi le Seigneur, établissant Saint Pierre souverain pontife, lui dit, « J'ai prié pour vous, Pierre, afin que votre foi ne défaille point, lorsque vous aurez été converti, affermissez vos frères dans la foi. » Luc 22, 32. Veut-on savoir la raison d'une telle prérogative? Il ne doit y avoir qu'une seule et même foi dans toute l'Église, selon cette parole de l'apôtre, il faut que vous disiez tous la même chose, et qu'il n'y ait aucun schisme parmi vous. 1 Corinthiens 1, 10. Il est clair qu'une telle unité ne pourrait subsister, si celui qui est à la tête de toute l'Église ne décidait pas par une sentence que l'Église entière doit inébranlablement soutenir les questions nouvelles en matière de foi. Ces raisons doivent nous persuader que le souverain pontife seul a le pouvoir de publier un nouveau symbole, comme il peut seul aussi réunir des conciles, confirmer leurs décisions et prendre d'autres mesures qui intéressent le bien général de l'Église. Le concile général d'Éphèse a défendu, il est vrai, de composer une profession de foi autre que celle qu'il a publiée, mais ce décret ne s'adresse qu'aux personnes privées. Saint Athanase lui-même n'a pas composé son exposition de foi par mode de symbole. Celui qui porte son nom n'est devenu règle de foi que par l'approbation des souverains pontifes. Voyez encore la note de l'article, question 11. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.